Le 6 octobre 2008, il y a 10 ans, le prix Nobel de médecine était décerné à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour leur découverte du rétrovirus responsable du sida en 1983. Une découverte qui a fait bouger beaucoup de lignes, tant dans les liens entre recherche fondamentale et recherche clinique, entre les chercheurs et les patients, entre le monde médical et la société, et même entre la recherche et le militantisme. 10 ans après, alors que l'objectif de l'ONU est d'en finir avec l'épidémie du sida en 2030, nous avons l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir Françoise Barré-Sinoussi. Après le prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi est donc notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, impossible de résister à la tentation de vous faire réécouter ceci. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008 with one half to Harald Zurhauser. For his discovery of human papilloma viruses causing cervical cancer, and the other half jointly to Françoise Barré-Sinoussi and Luc Montagnier for their discovery of human immunodeficiency virus. 10 ans après, Françoise Barré-Sinoussi réentendre ce prix Nobel. À vrai dire, c'est la première fois que je l'entends. C'est vrai. Mais oui, parce que vous étiez au Cambodge. Parce que j'étais au Cambodge, donc je ne l'avais jamais entendu. 10 ans après, qu'est-ce que ça fait? Je dirais que je me pose toujours la question si c'était vraiment réel. À la fois, bon, lourd poids sur les épaules depuis ces 10 dernières années, et à la fois l'impression d'avoir vécu quelque chose de totalement magique. Partagé, je dirais, entre était-ce un rêve, était-ce la réalité, et puis une réalité que je pèse sur mes épaules depuis 10 ans, pour essayer, comme je l'avais dit d'ailleurs tout de suite au Cambodge, quand j'ai appris ce Nobel, que c'est pas mon Nobel, c'est le Nobel de toute une communauté VIH-SIDA. Et maintenant, la lourde responsabilité qui m'attend, c'est d'essayer d'être leur voix. Donc c'est vrai que c'est terriblement lourd. Je suis pas sûre d'y arriver d'ailleurs totalement, mais j'essaye dans tous les cas de le faire. Vous étiez où exactement? Comment est-ce que vous l'avez appris ce Nobel? Qu'est-ce que vous faisiez au Cambodge ce 6 octobre 2008? J'étais à Phnom Penh lors d'une réunion organisée pour l'état d'avancement d'une recherche clinique. Parce que depuis le début des années 2000, en fait, je coordonnais l'ensemble des recherches en coopération avec la France dans le domaine du VIH-SIDA pour l'Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites virales. Donc j'allais régulièrement, bien sûr, dans ce cadre-là, au Cambodge pour le suivi des programmes en cours, pour essayer aussi de réfléchir avec nos amis cambodgiens à quelles étaient les priorités de la recherche pour eux et pour leurs patients au Cambodge. Donc là, on était réellement en pleine réunion sur un essai thérapeutique, d'ailleurs, qui est connu au niveau mondial, sur les co-infections tuberculose et VIH, et qui ont fait l'objet ensuite d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de traiter les patients par des antirétroviraux lorsqu'ils étaient détectés positifs avec une tuberculose, de les traiter beaucoup plus tôt par les antirétroviraux. Donc voilà, mon téléphone a sonné, c'était une de vos collègues d'ailleurs de France Inter, Daniel Messager, qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, elle pensait que je le savais déjà, à vrai dire. Et vu mon étonnement au téléphone, elle en revenait pas, et j'avoue que je crois que je lui ai raccroché au nez en lui disant « mais non, c'est pas possible, c'est une fake news », et j'ai raccroché, et mon téléphone a ressonné, et là, mes collègues qui étaient avec moi m'ont dit « non Françoise, tu nous donnes ton téléphone ». Ce prix Nobel, alors on sait que le prix Nobel, ça récompense une contribution majeure, donc souvent des travaux de recherche de toute une carrière, mais tout de même, il y a des recherches qui sont récompensées plus tôt que d'autres. Ce Nobel, en 2008, il intervient 25 ans après la découverte. Ça vous paraît peut-être un peu tard? Est-ce que c'est symptomatique de la difficulté qu'a eu la société à appréhender cette épidémie dans son ensemble? Je pense pour en avoir un petit peu discuté avec les membres du jury Nobel. Je crois que il faut un laps de temps suffisamment grand aussi pour pouvoir voir quel a été l'impact de cette découverte justement sur les populations, sur le bénéfice pour la société. Ça, c'était dans le testament d'Alfred Nobel. Donc, je suis persuadé qu'ils ont attendu de voir l'impact, notamment du traitement combiné par des antirétroviraux, pour décerner ce Nobel. Et c'est pour ça que moi, j'y croyais pas non plus, à vrai dire, qu'un Nobel serait attribué pour la découverte du VIH, parce que il y avait les antirétroviraux, et certes, on commençait largement à voir les bénéfices, mais c'était un traitement à vie, il y a toujours pas de vaccin. Voilà, moi je me disais, non, le travail est inachevé quelque part pour donner un Nobel. Alors justement, Françoise Barré-Simon, si j'aimerais qu'on reparle un peu du contexte médical dans lequel vous avez identifié ce rétrovirus. On a fait quelques émissions déjà dans la méthode scientifique sur les questions liées au VIH, sur l'histoire même de ce VIH. Et souvent, ce qui revient, c'est de dire quand l'épidémie débute, quand les premiers cas commence à être identifié en 1980, la communauté médicale est complètement perdue. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez ce souvenir-là, vous encore ? Oui, la découverte, l'identification de la maladie a été rapportée en 1981. Et moi j'avoue que j'en avais même pas entendu parler de cette maladie, jusqu'à ce que ce soit nos collègues, les cliniciens, Willy Rosenbaum, Françoise Brun-Vézinet, qui frappent à notre porte à Pasteur pour nous en parler, et pour parce qu'il y avait cet affolement chez eux de voir effectivement pour Willy et pour d'autres cliniciens commencer à avoir une cinquantaine de cas dans les hôpitaux en France, et ne pas savoir quelle était la cause de cette maladie, avec des patients qui mouraient, qui étaient déjà dans un état clinique absolument catastrophique. Alors, tous les virus déjà avaient été évoqués comme agents potentiellement responsables de cette maladie nouvellement identifiée. Les hépatites virales, le BV, les cytomégalovirus, et j'en passe. Bref, tous les virus qui pouvaient être transmis par le sang et par voie sexuelle, quelque part, avaient été évoqués comme potentiellement responsables. Aucun ne correspondait réellement à tous les critères pour être l'agent responsable de cette maladie. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers nous avec une question simple, savoir si le premier rétrovirus humain qui avait été identifié peu d'années auparavant, puisque c'était au début des années 80, pouvait être l'agent responsable de cette maladie. Voilà pourquoi ils ont frappé à notre porte, parce que Françoise Brun-Vézinet se rappelait très bien, puisqu'elle avait fait le cours de virologie à Pasteur, que ceux qui donnaient le cours sur les rétrovirus, c'était Luc Montagnier, Jean-Claude Sherman et moi pour les travaux pratiques. Voilà pourquoi elle a frappé à la porte, et que immédiatement, nous, on leur a dit, c'est intéressant, mais on n'y croit pas. Peut-être qu'on va redire quelques mots rapidement, parce que là tout de suite, on parle de rétrovirus maintenant, c'est acquis, mais effectivement, au début, fin des années 70, début des années 80, la recherche sur les rétrovirus, elle est balbutiante. On a identifié quelques-uns, majoritairement chez l'animal. Le premier rétrovirus... Il y en avait beaucoup, hein, beaucoup chez l'animal. C'est HTLV1 de Robert Gallo, mais qu'il identifie en 81. Donc, chez l'être humain, en tout cas chez les mammifères, c'est assez récent. Non, chez les mammifères, c'est pas du tout récent. C'est pas récent, alors. Je dis n'importe quoi. Vous allez me corriger, Françoise Barré-Simon aussi. Non, chez les mammifères, c'est absolument pas récent, puisque ça date du début des années 1900. Donc, c'est pas du tout récent. Ce qui est récent, c'est les rétrovirus humains. Mais moi, lorsque j'ai commencé à l'Institut Pasteur au début des années 70, en fait, je travaillais déjà sur des rétrovirus de souris, qui avaient été démontrés responsables de leucémie et de cancer chez la souris. Et en fait, au début des années 70, lorsque j'ai travaillé, il y avait un énorme programme américain, rétrovirus et cancer, avec des financements extrêmement importants du côté américain, justement pour étudier la relation entre cette famille de virus et les leucémies ou les cancers, y compris chez l'homme à l'époque, même s'il n'y avait pas de virus humain identifié. Donc, ces rétrovirus, ils étaient assez bien connus chez l'animal. jusqu'à ce que tout le monde s'en désintéresse, parce que dans les années 70, justement, il y a eu la découverte que le cancer était lié à un gène particulier qu'on appelle l'oncogène, et que cet oncogène, en fait, il était présent chez certains rétrovirus de poulet ou chez certains rétrovirus de souris, et qu'en fait, ces rétrovirus avaient tout simplement emballé un gène cellulaire dans leur matériel génétique. Un gène cellulaire, certes, un petit peu muté et modifié, mais un gène cellulaire. Donc, tout le monde s'est dit à ce moment-là, plus d'intérêt pour les rétrovirus. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les oncogènes et sur les protéines suppressives des oncogènes. Donc, la vaste majorité de la communauté scientifique travaillant sur ces rétrovirus, au niveau mondial, s'est orientée justement vers cancer, oncogènes, protéines suppressives, etc. Sauf quelques résistants, si je puis dire, dont mon laboratoire où j'étais à l'époque faisait partie avec Jean-Claude Sherman, justement, pour essayer de voir si, en fait, ces rétrovirus pouvaient pas quand même jouer un certain rôle dans l'évolution de cancer vers des métastases. Et puis aussi, dans le cadre de cancer du sein, de savoir s'il n'y avait pas justement chez les femmes atteintes de cancer du sein des séquences rétrovirales dans les lymphocytes, dans les globules blancs de ces femmes. Je vous dis tout ça parce que ça explique un petit peu pourquoi on était prêts finalement quand Willy et Françoise sont venus nous voir à Pasteur et qui nous ont dit rétrovirus, HTLV, ou HTLV, on leur a dit on n'y croit pas parce qu'HTLV, certes, il infecte les lymphocytes, mais les lymphocytes T prolifèrent. Puisqu'il est à l'origine de leucémie, hein, c'est ça? Voilà, il est à l'origine de certaines formes de leucémie chez l'adulte. Et là, vous nous dites que les lymphocytes TCD4 disparaissent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre hypothèse. Mais bon, pourquoi pas aller voir si un rétrovirus n'est pas responsable. Mais alors, pourquoi est-ce que Willy Rosenbaum et Françoise Brin-Vézinet viennent vous chercher justement? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'hypothèse du rétrovirus? Ils ont eu l'hypothèse du rétrovirus à cause de ce que je viens de dire, à savoir qu'HTLV affectait les lymphocytes T, en particulier CD4, mais pas seulement d'ailleurs pour HTLV. Les CD4 qui sont la cible du rétrovirus du VIH. Qui sont la cible, et on l'a su après, bien sûr, du VIH, et même le récepteur pour que le virus rentre, c'est la molécule CD4 elle-même. Mais ils sont venus justement parce que tous les autres virus connus à l'époque, aucun ne collait pour la cause de la maladie. Donc, il n'y avait plus que cette famille-là qui n'avait pas été explorée et avec ce seul rétrovirus humain qui, justement, s'attaquait à des lymphocytes T. Donc, voilà pourquoi ils sont venus vers nous. Et, comme je disais, François s'est rappelé qu'on donnait les cours sur les rétrovirus à Pasteur. Alors, peut-être que vous pouvez nous rappeler brièvement la différence entre un virus et un rétrovirus. Pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait la même chose, François? Alors, souvent, c'est lié avec à la fois le matériel génétique du virus et le mode de réplication de ce virus. Et les rétrovirus, ils ont une caractéristique particulière, une double caractéristique, à sa fois leur matériel génétique est de l'ARN. Et pas de l'ADN, donc. Et pas de l'ADN. Donc, normalement, il ne peut pas s'intégrer, justement, dans l'ADN de la cellule, par définition, tant qu'il est sous forme d'ADN. Et donc, il a trouvé un moyen, c'est qu'il a une enzyme bien particulière, la transcriptase inverse, qui, elle, va copier l'ARN du virus en ADN. Et une fois sous forme ADN, cet ADN va pouvoir s'intégrer, justement, dans le génome de la cellule. Et c'est ce que vous faites quand donc Willy Rosenbaum et Françoise Brin-Vézinet viennent vous voir, c'est que vous allez rechercher précisément cette transcriptase inverse pour voir s'il y a bien... Exactement. C'est l'une des deux idées. Il y a celle-là et il y en a une autre. Ben, il y a déjà de savoir où regarder, quand regarder, et ça c'était une discussion extrêmement importante avec Willy et avec Françoise. Quand regarder parce à quel stade de la maladie? Ce qu'eux nous racontaient en tant que cliniciens, c'est que finalement, au stade sida, les patients n'avaient plus de lymphocytes CD4, donc c'est certainement pas le bon moment d'aller regarder et chercher un virus dans les lymphocytes CD4 puisqu'il n'y en avait plus. D'où la discussion s'est orientée en disant, mais avant justement qu'ils développent ce sida, qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes? Et là, Willy nous répond, ils ont des ganglions généralisés. et nous de réagir, bah, il est là le virus. Si virus il y a, il est dans les ganglions, et est-ce qu'on peut avoir une biopsie ganglionnaire? Et ça, ça a été le début justement d'une collaboration aussi avec les patients, à une époque où on n'avait pas toute la réglementation et les procédures d'aujourd'hui. Willy a simplement demandé à un patient, est-ce que vous seriez prêt à accepter de participer à la recherche en ayant une biopsie ganglionnaire? Donc ce patient a gentiment accepté pour la recherche uniquement. Et voilà, à partir de ce ganglion, on a mis les cellules en culture et on a recherché régulièrement. Et ça, c'était aussi, comme on partait pas d'idées préconçues, eh bien on s'est dit, on va regarder régulièrement, tous les 2-3 jours dans la culture, s'il y a une activité reverse transcriptase qui serait le signe d'un virus de cette famille. Voilà comment les choses ont démarré et en fait c'était la bonne approche, puisque quelques semaines après, moins de 3 semaines après la mise en culture, on avait effectivement une activité reverse transcriptase dans la culture. Et vous rajoutiez des lymphocytes et les lymphocytes disparaissaient de manière... Alors, pas tout de suite. Là, 3 semaines, les lymphocytes meurent et là, ça a été un coup de panique parce que c'est-à-dire si les lymphocytes meurent, le virus va disparaître et on n'a pas... on va le perdre, quoi. Et donc, à l'époque, il y avait une banque de sang à Pasteur. On a traversé la rue, allé à la banque de sang, et dire vite, du sang d'un donneur de sang pour isoler les lymphocytes et rajouter en culture. Et là, effectivement, le virus est reparti. L'activité reverse transcriptase a nouveau été détectée. Et donc, là, il n'y avait plus de panique. On savait comment le maintenir. Et du coup, vous envoyez ces cultures au microscopiste électronicien qui vous dit, c'est bon, je lève, venez voir, qu'est-ce qui se passe, voilà, Charlie, quand vous vous retrouvez les yeux dans ce microscope Charlie électronique. Doguet, c'est sûr, c'était le microscopiste électronicien qui on lui a demandé de chercher sous son microscope un rétrovirus, la taille, on lui a indiqué la taille, etc. Et là, un jour, il nous a téléphoné en disant, je crois bien que je le tiens, est-ce que vous pouvez venir le voir? Et effectivement, on a vu que c'était des bourgeonnements, on a vu qu'il y avait des virus qui étaient relâchés de la cellule, qui avaient la taille, qui avaient une enveloppe autour. La seule chose qui nous semblait un petit peu bizarre, c'est que le noyau de ce virus, il n'était pas tout à fait au centre, et que ça, c'était inhabituel pour les rétrovirus classiques dont je parlais tout à l'heure qui causent les leucémies et les cancers. Et même pour HTLV, c'est central. Donc là, on se disait, c'est bizarre, cette morphologie-là. Mais après d'autres recherches, regardant si il y avait bien la reverse transcriptase était bien associée à de l'ARN dans la particule. En fait, tout collait pour un rétrovirus. Et il a fallu attendre un petit peu plus longtemps pour s'apercevoir qu'en fait c'était une sous-famille de rétrovirus qu'on appelle les lentivirus qui avait été identifié chez l'animal, mais personne s'y intéressait à vrai dire, notamment chez le mouton. Et finalement, quand les moutons étaient atteints de cette infection par Vicenum aedii, on abattait complètement le troupeau de moutons et personne ne s'intéressait à ce virus. Et après, quand on s'est aperçu que le virus du sida appartenait à cette sous-famille des lentivirus, tout le monde s'est beaucoup intéressé, bien sûr, aux lentivirus. Vous dites que dans plusieurs entretiens que vous avez donnés, vous dites que quand vous l'avez sous les yeux, on n'en est pas encore. Vous l'appelez pas tout de suite VIH d'ailleurs. Il s'appelle parce que vous allez me le dire, lymphadénopathie associée de virus, le LAV, parce que c'était ce dont souffrait le patient qui a fait la biopsie que vous évoquiez à l'instant. Et vous dites que quand vous l'avez sous les yeux, pour autant, vous faites pas immédiatement. Il y a encore beaucoup d'étapes entre le rétrovirus et le sida proprement parlé. Complètement, c'est pas parce qu'on isole un virus à partir d'un patient qui en plus n'avait pas totalement un sida déclaré qu'on peut faire le lien avec la maladie elle-même. Il y avait plein d'étapes, en particulier isoler des virus identiques d'autres personnes ayant des symptômes identiques, voire au début d'un sida. D'autre part, faire de larges enquêtes séroépidémiologiques pour regarder si les personnes qui avaient un sida avaient des anticorps contre ce virus-là, alors que des donneurs de sang n'en avaient pas, alors que des gens atteints de cancer n'en avaient pas, des gens atteints de maladies auto-immunes n'en avaient pas. Bon, toute une large enquête épidémiologique qui nécessitait d'ailleurs la mise en place de tests de diagnostic sérologique qui n'existaient pas. Pas encore, bien sûr. Et qui étaient aussi nécessaires de toute façon pour le diagnostic, de façon urgente d'ailleurs, pour les dons du sang. Donc, il y avait plein de choses à faire en même temps. Il y avait à caractériser aussi ce virus qui, visiblement, ne correspondait pas au virus connu à l'époque. Son matériel génétique, ses protéines, ses propriétés biologiques. Tout à l'heure, je parlais de CD4 comme récepteur. Rapidement, c'est une chose que l'on a montré, que le virus infectait uniquement les lymphocytes CD4 parce que, justement, il portait le récepteur qui est la molécule CD4 en question. L'effet cytopathogène commençait à caractériser la reverse transcriptase elle-même, en se disant, bon, c'est peut-être un moyen d'aller vers des traitements du futur, déjà à l'époque. Donc il y avait tout ça à faire en parallèle, et bien sûr, il fallait mobiliser d'autres chercheurs ayant des expertises variées, d'autres cliniciens, et puis les patients et les associations de patients qui commençaient. Avec notamment, rapidement, j'ai été en relation avec l'association AIDE, qui s'est créée en 1984 par Daniel Defer. Donc avec Daniel, rapidement, on a été en contact et moi j'allais régulièrement faire un point sur l'état d'avancement de la recherche et à l'inversement, lorsque nous on se trouvait dans des situations difficiles pour certains patients, de voir avec l'association si ils pouvaient les aider. Vous dites, Françoise Barrésine, aussi que quand vous publiez avec Jean-Luc Sherman et Luc Montagnier l'article dans Science, il faut aller très vite, vous n'aviez pas encore fait toutes les vérifications, il y avait déjà ce sentiment d'urgence en 83. On n'avait pas du tout la prise de conscience de l'étendue de l'épidémie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais pour nous, il y avait une situation d'urgence parce que l'on savait déjà que le virus se transmettait par le sang et les dérivés du sang, donc des risques en transfusion sanguine, bien évidemment, des risques pour les hémophiles, et que donc là, il y avait urgence justement de pouvoir dépister les donneurs de sang qui malheureusement seraient porteurs de ce virus et pouvaient transmettre à d'autres. Il y avait urgence pour les femmes enceintes, et urgence pour prévenir la transmission sexuelle, sachant que... quand même, le virus était transmis, on le savait, par voie sexuelle. D'abord identifié chez les homosexuels, on le sait, mais rapidement, on a eu quand même des informations que la voie hétérosexuelle, il y avait aussi transmission. Donc, il fallait pouvoir justement dépister, même si à l'époque, c'était terrible, parce que dépister les gens pour leur dire quoi ? Surtout, n'ayez pas de relation avec les autres, surtout pour les mamans, ne tombez pas enceinte, surtout... éliminer le sang contaminé, bien évidemment, mais il n'y avait rien à proposer. Donc c'était une période absolument dramatique. Le premier test de dépistage, il arrive quand exactement ? Il a été mis sur le marché en juillet 1985. Donc 2 ans après l'identification... Sur le marché. C'est vrai que nous, à l'échelle du laboratoire, nous avions des tests, j'allais dire, un petit peu artisanaux, de dépistage dans le laboratoire déjà mi-1983. There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's 5 Cinderellas and some leather drags I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's the born again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, Halloween Parade de Lou Reed qui parle de l'épidémie de VIH, puisque nous recevons aujourd'hui Françoise Barré-Sinoussi, qui est notre invitée tout au long de cette heure pour les 10 ans du prix Nobel, avec Luc Montagnier pour la découverte du VIH qu'elle a reçu et qu'ils ont reçu collectivement le 6 octobre 2008. Alors, on l'a dit hein, tout à l'heure, Françoise Barré-Sinoussi, c'est vrai que l'épidémie de sida a fait bouger beaucoup de lignes, notamment dans le lien entre la recherche et les malades, mais aussi dans la frontière entre recherche et militantisme. Vous le dites vous-même, le sida a changé ma façon de faire de la recherche. Avant le VIH, je travaillais en laboratoire, je n'avais pas de contact avec les patients, très peu avec le milieu de la clinique. Tout ça a été complètement bouleversé dans ces années 80, Françoise Barré-Sinoussi. Complètement, c'était la première fois de ma carrière, je dirais que je me retrouvais face à des personnes touchées par la maladie sur laquelle nous travaillons, qui venaient à Pasteur, pour certains d'entre eux, parce qu'ils se posaient la question, ils venaient pas en consultation, ils savaient très bien qu'on n'était pas médecin, mais ils avaient envie d'avoir des réponses à leurs questions, qu'est-ce que c'est que ce virus, qu'est-ce que vous allez faire pour nous en débarrasser, etc. C'est là, effectivement, où certainement on a compris, commencé à comprendre, moi en tant que chercheur, que parfois dans les questions qu'ils posaient, ça pouvait aussi être important pour nous, les chercheurs, de les prendre en considération dans les recherches que l'on fait. C'est l'un des grands bouleversements de cette épidémie qui a mis les patients, les malades au centre, au centre de la recherche, au centre des attentions cliniques. Et c'est vrai que ces organisations, ces associations Aide, mais Act Up après avec des méthodes plus brutales, ont aussi été des patients qui étaient acteurs de leur propre maladie. Il y avait un réseau, ils se renseignaient les uns les autres entre les États-Unis, l'Europe, pour avoir accès justement aux dernières recherches, aux plus récentes. Heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs, j'allais dire, parce que dès la démonstration que une combinaison thérapeutique 1996 avait montré une efficacité, que les personnes pouvaient vivre avec leur virus, c'est sûr que si il y avait eu seulement la communauté scientifique et médicale pour se battre pour l'accès justement à ces médicaments dans nos pays, mais pas seulement dans nos pays, au-delà de nos pays, s'ils n'avaient pas été là, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Si aujourd'hui on a 59% de personnes dans le monde, c'est déjà pas brillant parce qu'il en manque quand même encore 40% à mettre sous antirétroviraux. Mais si on en est là, si on a réussi à diminuer de près de 50% la mortalité du sida dans le monde depuis 2005, ben, merci les associations. Sans elles, on n'aurait jamais réussi à faire pression sur les gouvernements, justement, pour qu'ils mettent en place des financements importants comme celui du Fonds mondial pour la tuberculose, le VIH et la malaria. La mise en place des taxes sur les billets d'avion, la taxe Chirac, entre guillemets, mise en place au début des années 2000, qui a permis justement la création d'United et aussi à faciliter l'accès aux soins, l'accès à la prévention et au traitement. La pression sur les compagnies pharmaceutiques, vous mentionnez des actions un petit peu fortes, je dirais, d'Act Up, oui, elles étaient fortes, mais on en voit le résultat. Si aujourd'hui, justement, les compagnies pharmaceutiques ont baissé leurs prix, s'il y a pu avoir le développement des génériques, c'est grâce à eux. Vous dites, Françoise Barré-Sinoussi, que après votre découverte de 1983, vous avez traversé les années noires jusqu'en 96. Hein, vous le mentionnez avec l'arrivée de la ZT, notamment les premiers antirétroviraux. Vous dites, cela a été la période la plus difficile pour moi de voir des patients dont certains étaient devenus des amis mourir et de me sentir impuissante. Vous êtes rendu compte rapidement que trouver un remède, ça allait être compliqué, ça n'allait pas venir tout de suite, que vous allez vous buter à un mur thérapeutique. C'est pas un mur, c'est qu'on sait aussi, quand on est chercheur, que ça prend un certain temps. Entre le temps de mieux comprendre ce virus, comment il se multiplie dans la cellule, les différentes étapes de multiplication dans une cellule, ensuite le développement de molécules, tester ces molécules d'abord au laboratoire, puis en préclinique. On n'avait pas de modèles d'animaux. Mick Dormont a mis en place en France les modèles singes qui n'existaient pas encore en France à l'époque. Ça, dès la fin fin des années 80 quand même. Il a commencé à songer à ça au début des années 90. Les essais cliniques. On sait tous le temps que ça met pour avoir des essais de phase 1, simplement pour tester non pas l'efficacité, mais tester si ces médicaments n'ont pas d'effets secondaires, quelle est la pharmacocinétique chez les personnes, etc., etc. Puis l'essai d'efficacité qui peut durer plusieurs années. Donc tout ça, on le sait quand on est chercheur. Voilà pourquoi on savait très bien que ça prendrait du temps. Cela dit, ça a pris du temps, mais pas tant que ça, justement. Pour nous, en tant que chercheurs, ça a été relativement vite. Parce que si vous regardez AZT 1987, première molécule qui montre une petite efficacité, pas suffisante, les patients échappent au traitement, développent des résistances aux antirétroviraux. Mais AZT 1994, première molécule qui démontre qu'on peut prévenir l'infection de la maman à l'enfant. Tout ça a été en 10 ans. La recherche, effectivement, pour les antirétroviraux, mais je pensais à la recherche d'un traitement définitif, c'est-à-dire le fameux vaccin qui a donné lieu d'ailleurs à des excès dans les années 80. On peut se souvenir des épisodes des déplorables de la cyclosporine ou des choses comme ça. Si je puis me permettre, c'est deux choses différentes. Bien sûr, tout à fait. Le vaccin, c'est la prévention. C'est d'avoir un candidat vaccin qui va permettre d'empêcher l'infection. Ce que vous parlez là, vous, c'est un traitement qui permettrait une guérison. Alors, dans ces traitements pour la guérison, il peut y avoir des vaccins thérapeutiques, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres approches. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Les vaccins, je pense que quand même, depuis 2009, il y a quand même des lueurs d'espoir à l'horizon. Avec quand même le développement d'anticorps, par exemple, du côté de nos collègues américains, extrêmement puissants et prometteurs. Alors bien sûr, on est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir des vaccins justement qui vont provoquer ce type d'anticorps dans le corps, si je puis dire. Ces anticorps-là, on commence à les utiliser pour les traitements du futur aussi, avec des résultats pour certains... partagé, pour certains encourageant. On est dans une phase aujourd'hui où, à la fois pour le vaccin préventif et à la fois pour le traitement du futur, si ce n'est un traitement qui guérit, parce qu'il ne faut pas non plus donner de faux espoirs, la guérison en soi, c'est-à-dire éliminer complètement le virus du corps, ça va être extrêmement difficile, pour pas dire impossible. Faut jamais dire impossible parce qu'on sait jamais quel développement technologique on aura dans le futur et que peut-être on y arrivera. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce que l'on a comme connaissance et d'outils, je pense qu'il faut mieux croire à une rémission durable. C'est-à-dire, pas de traitement, les patients arrêtent, ils restent contrôlés et ils transmettent pas aux autres. Ça serait déjà un grand pas. On reparlera tout à l'heure de la recherche actuelle justement pour ces traitements du futur. J'aimerais qu'on redise un mot aussi de cette frontière qui s'est un peu atténuée ou qui s'est effacée entre recherche et militantisme. Vous êtes très vite, Françoise Barré-Sinoussi, tournée vers les pays d'Asie et d'Afrique. En fait, la vie est une histoire de rencontre quelque part, mais c'est vrai qu'en 1985, l'Organisation mondiale de la santé avait organisé une réunion en République centrafricaine, à Bangui, avec un petit groupe d'experts internationaux pour définir comment on définit le sida en Afrique. À l'époque où il n'y avait pas encore les tests de diagnostic, même en Afrique. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on a été plusieurs d'entre nous à mettre les pieds pour la première fois sur le continent africain, à vrai dire, Afrique subsaharienne, de visiter des hôpitaux et de faire des constats horribles, d'avoir des gens qui mouraient, pour la grande majorité d'entre eux, du sida d'ailleurs, dans les hôpitaux, dans des conditions inacceptables, sans aucune dignité. Il y avait même pas, je parle pas de médicaments pour l'infection VIH, parce qu'ils n'existaient pas, mais des médicaments pour les aider à partir, pour soulager leur souffrance. Et quand on constate ça, c'est pas possible. On se dit, on ne peut pas laisser des êtres humains dans ces conditions. Et donc, voilà, on s'est relevé les manches à plusieurs dans la communauté scientifique internationale et médicale en se disant, bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse du transfert de savoir en Afrique, il faut qu'on lève des fonds pour améliorer les conditions pour les personnes dans ces pays. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, elle perdure, elle dure toujours. Mais personnellement, ça m'a rappelé finalement peut-être pourquoi j'étais à l'Institut Pasteur. Parce que les missions de l'Institut Pasteur, la vision de Louis Pasteur finalement, bon, j'en avais entendu parler, mais je voyais pas très bien ce que c'était. Jusqu'à temps que je me mette à travailler sur cette maladie et que je m'aperçois que Louis Pasteur, la vision humaniste qu'il avait de dire « je vais créer des instituts Pasteur, le premier à Saïgon avec Calmette à la fin des années 1800 », puis en créer d'autres en Afrique, c'était avec cette vision-là en fait. Louis Pasteur, il y avait la recherche et les applications de la recherche au bénéfice de l'humanité, où qu'elle soit dans le monde. Comment ça a été pris, Françoise Barrésine, aussi, cette implication, ce militantisme dans les milieux de la recherche? Vous n'êtes pas la seule, il y a plusieurs chercheurs qui ont suivi le même parcours intellectuel que vous, mais c'est effectivement pas une tradition usuelle que d'être chercheur et militant en même temps. Je dirais qu'il y a un petit peu tous les cas de figure. Certains apprécient, d'autres chercheurs. J'ai entendu des chercheurs me dire que à la fois ils trouvaient ça formidable et à la fois ils trouvaient que je perdais mon temps. Bon, je crois qu'on a tous les cas de figure dans la communauté scientifique. C'est une communauté très diverse et il faut la respecter parce que la diversité aussi, de la diversité naît la créativité et les nouvelles découvertes. Donc ça, c'est très bien. Le prix Nobel, ça a été un formidable porte-voix justement pour cette dimension militante. C'est ce que je me suis dit en tous les cas immédiatement, que ça faciliterait l'ouverture des portes, d'un certain nombre de portes, et c'est vrai, sur le principe, les portes s'ouvrent plus facilement. Après qu'il y ait des résultats, ça c'est autre chose. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Françoise Barrésine aussi est notre invitée tout au long de cette heure pour les 10 ans du prix Nobel qu'elle a reçu avec Luc Montagnier pour sa découverte du VIH, c'était le 6 octobre 2008. Dans cette dernière partie, Françoise Barrésine aussi, j'aimerais qu'on parle précisément de la recherche et nous sommes retournés là où tout a commencé. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes retourné donc, Françoise Barrésine aussi, à l'Institut Pasteur. Oui, et la personne que j'ai rencontrée à Pasteur est celle qui, un jour de 2008, a reçu dans votre labo un appel un peu spécial qui vous était destiné. Cet appel vous annonçait tout simplement l'obtention du prix Nobel de médecine. Vous l'aurez deviné donc, j'ai rencontré Michaela Müller-Trudwin. Michaela Müller-Trudwin, elle dirige le groupe de recherche HIV, inflammation et persistance à l'Institut Pasteur. Et avec son équipe, elle étudie les singes verts d'Afrique qui sont porteurs asymptomatiques d'un rétrovirus proche du VIH, le SIV ou virus de l'immunodéficience simienne. Ce que Michaela Müller-Trudwin et ses collaborateurs ont récemment mis en évidence chez ces animaux, c'est le rôle de cellules naturelle tueuse qui empêche la maladie de se développer, ouvrant, comme elle nous l'explique, une piste thérapeutique à explorer. Dans l'unité, ce que nous essayons de faire comme stratégie, c'est d'étudier en fait la nature, on cherche des mécanismes naturels de protection contre le VIH ou des mécanismes qui permettent de contrôler la réplication. Ceci dans le but d'aider à trouver des nouveaux concepts qui amènent au vaccin ou aussi des nouveaux concepts de cure, à savoir qu'en 1996, il y a eu l'avenue des trithérapies qui ont transformé une maladie mortelle en une maladie chronique. Mais les individus infectés doivent prendre leurs médicaments tous les jours à vie. Et nous cherchons maintenant, la prochaine étape sera de trouver peut-être une amélioration thérapeutique pour arriver à une rémission du VIH et guérir le patient. Parmi les recherches que vous menez des recherches sur des modèles animaux, des singes verts. Mmh. Alors quel type de recherche vous menez sur ces animaux-là et pourquoi ils sont intéressants dans le cadre de recherches sur le VIH? Nous intéressons surtout aux réservoirs naturels du VIH, qui sont les singes d'Afrique. C'est eux qui sont porteurs naturels du virus qui a donné l'origine au VIH. Et ce qui est fascinant du point de vue biologique, c'est qu'en fait, ils vivent en paix avec le virus, c'est-à-dire qu'ils sont infectés, porteurs à vie, mais ils ne développent aucun signe de maladie. Donc nous essayons de comprendre qu'est-ce qui les protège, et nous sommes en train de plus en plus de mieux comprendre cette balance qui se fait, et nous avons récemment fait des découvertes importantes aussi en vue d'une cure du VIH. Alors ce virus dont ils sont porteurs s'appelle le SIV, c'est un cousin du VIH, qu'est-ce qui le différencie du VIH et qu'est-ce qui le rapproche du VIH ? En fait, au niveau virus, le virus est vraiment quasiment identique au VIH. C'est plutôt l'interaction du virus avec son hôte qui est différent. Peut-être le virus chez les singes, il a vécu déjà depuis tellement longtemps, on sait qu'il est là peut-être entre 50 000 et 100 000 ans, qu'il a trouvé cet équilibre. Et c'est qu'on sait que le singe vert, il est capable de protéger des tissus lymphoïdes qui, chez l'homme, sont très touchés par le VIH et qui lui permet de mieux garder ses défenses. Alors, qu'est-ce que c'est que les tissus lymphoïdes ? Donc, dans le tissu lymphoïde, on a par exemple les ganglions lymphatiques. Vous savez tous que si on s'infecte ou qu'on a la fièvre, on peut avoir des ganglions. Donc, et dans le cas du VIH, c'est des endroits où le virus se cache préférentiellement et il se cache par exemple des lymphocytes T cytotoxiques. Et chez le singe d'Afrique, c'est l'inverse. C'est le singe d'Afrique, c'est éliminer le VIH des ganglions. Donc, c'est une piste très intéressante à étudier. Comment il arrive à éliminer justement ce virus ? Alors, c'est que nous avons découvert que chez les singes d'Afrique, ils mobilisent un certain type de cellules qu'on appelle les cellules tueuses naturelles, ou en anglais natural killer. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les cellules NK. Et suite à l'infection par le SIV, ces cellules NK vont se mobiliser et aller à l'intérieur des ganglions et contrôler l'infection VIH. Ça a été une surprise parce que les cellules NK font partie plutôt du système immunitaire inné, très peu spécialisé, et on ne s'attendait pas à ce qu'ils pourraient jouer un rôle si important dans le contrôle du virus. Alors cette découverte, elle a été rendue publique assez récemment, à l'hiver 2017, dans la revue Nature, je crois. Nature Medicine. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour la recherche sur le VIH ? En fait, on pourrait espérer que peut-être on peut trouver des moyens pour mobiliser ces cellules aussi chez l'homme. On sait déjà qu'en oncologie, il y a beaucoup d'intérêt qui est porté sur ces cellules NK parce qu'elles ont une grande capacité de détecter des cellules anormales, donc des cellules tumorales. Et il y a des approches en oncologie pour mobiliser ces cellules. Donc on peut réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cas d'une infection. Peut-être pas prendre les mêmes thérapeutiques, mais voir s'il y a des moyens pour mobiliser ces cellules afin de diminuer les réservoirs viraux chez des patients infectés par le VIH dans les tissus. Et ça, ces recherches seraient menées sur tous les types de patients atteints par le VIH ou sur un type de profil ? Bon, déjà, nous devons continuer les recherches de fond. Et ensuite, il y aura des études, mais des études pilotes chez certains patients déjà pour confirmer. Donc c'est des recherches. On n'est qu'au début, ça prendra beaucoup d'années. Voilà le reportage à l'Institut Pasteur de Michaela Müller-Trudwin. Françoise Barrissin, ici, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Bon, une réaction, je dirais, premièrement, je suis bien sûr totalement au courant de ces travaux, puisque Michaela est un petit peu mon bébé, puisqu'elle a fait ses études, sa thèse de science avec moi, et elle est restée avec moi finalement jusqu'au moment où je parte pratiquement à la retraite. Donc, bien sûr que le travail que fait Michaela et d'autres d'ailleurs dans ce domaine des cellules tueuses est quelque chose d'extrêmement, extrêmement intéressant qui peut amener à de nouvelles stratégies tant thérapeutiques que vaccinales comme elle l'a dit. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que dans son laboratoire, il y a aussi des recherches aujourd'hui sur des patients qu'on appelle les patients Visconti, probablement. Le nom d'une cohorte. Voilà, qui est une cohorte de patients qui a été traité extrêmement, extrêmement tôt après l'exposition au virus, dans les 3 semaines, je dirais, après l'exposition au virus, et parce qu'ils avaient d'ailleurs des symptômes extrêmement graves. Et le dépistage a dit, vous êtes VIH positif. Donc, ils ont été traités immédiatement. Et pendant, pour certains d'entre eux, pour les premiers d'entre eux, les 14 premiers, 3 ans plus tard, ils ont demandé s'ils pouvaient arrêter leur traitement. Pour certains d'entre eux, ça fait plus de 10 ans, 12 ans, qu'ils sont sans traitement et qui vont très bien. Donc, c'est la preuve de concept que des rémissions, c'est possible. Et ces patients Visconti, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées chez eux, par notamment Azir Saïs-Sirion dans le laboratoire de Michaela, mais avec tout un consortium international aujourd'hui qui travaille sur ces patients. Et on commence à entrevoir que justement l'immunité innée, là encore, joue probablement un rôle important dans le contrôle finalement persistant de l'infection chez ces patients Visconti. Donc tout oriente les pièces du puzzle, finalement, nous disent, les NK, ça rentre à chaque fois, puis d'autres composantes de l'immunité innée, peut-être pour orienter justement une réponse protectrice efficace. Bien sûr, il y a probablement des facteurs génétiques à prendre en considération et peut-être qui vont amener d'ailleurs dans le futur, obligés d'orienter les traitements du futur vers une médecine personnalisée. C'est l'un des objectifs de recherche, de pouvoir interrompre, comme vous le disiez tout à l'heure, Françoise Barré-Sinoussi, d'interrompre le traitement et de continuer de ne pas avoir de relapse, de retour d'infection. L'autre pan de la recherche qui va un peu dans le même sens, c'est la recherche qui concerne les réservoirs du VIH, puisque le VIH peut rester caché dans certains réservoirs qui ne sont pas encore tous, alors on commence à les identifier plus ou moins, mais on n'est pas sûr de les avoir tous, et c'est ce qui conduit d'ailleurs à ces phénomènes de relapse. Alors le réservoir, justement, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui les patients ne peuvent pas arrêter leur traitement, étant donné que le virus reste à l'état dormant dans ces cellules réservoirs, et dès l'instant où les patients arrêtent le traitement, ces cellules sont réactivées, le virus ressort et commence à se redisséminer partout dans le corps. Donc la recherche sur les réservoirs, la recherche sur les traitements sont très liées. En fait, les patients Visconti que je mentionnais il y a un instant, une des caractéristiques de ces patients, c'est qu'ils ont un taux de réservoirs viraux extrêmement extrêmement faible. Donc qui démontre bien que leur réservoir est contrôlé chez ces patients. Chez les singes verts que mentionnait Michaela tout à l'heure, on sait qu'au niveau des ganglions, le virus est contrôlé. Les réservoirs sont aussi contrôlés dans le ganglion. Donc la recherche des traitements du virus, c'est en même temps, il faut absolument contrôler la taille de ces réservoirs viraux dans le corps. Comment se fait-il qu'on bute encore aujourd'hui à ce point-là sur la question d'un vaccin préventif, soit d'un vaccin curatif, soit d'un médicament, comme vous le disiez tout à l'heure, de guérison stricto sensu? Je pense qu'on bute parce qu'on apprend encore tous les jours justement sur l'interaction du virus avec les différents compartiments du corps humain et les différentes cellules qui sont présentes dans ces différents compartiments, parce que on est en présence d'un virus qui s'attaque justement à des cellules extrêmement importantes pour la réponse immunitaire. On a mentionné la phagocyte TCD4, mais on pourrait mentionner aussi les macrophages, on pourrait mentionner les cellules dendritiques, des cellules qu'on appelle globalement des cellules présentatrices d'antigènes. Et présentatrices d'antigènes, ça veut dire quoi? Quelque part, c'est qu'elles vont présenter justement des morceaux, des fragments de protéines pour que le corps réponde contre justement l'agent infectieux, l'agent pathogène en question. Donc voilà, on est en présence d'un virus qui crée des dysfonctionnements même, justement des fonctions des cellules qui sont importantes pour nous protéger ou pour nous défendre contre une infection ou contre d'autres pathologies, parce que ça peut être aussi nous défendre contre des cellules tumorales. Vous savez qu'en fait, il y a une petite proportion de patients sous antirétroviraux qui, sur le long terme, développent des cancers, développent des lymphomes. Cela aussi, on pense aujourd'hui que c'est lié à la présence du virus persistante dans le corps et que la défense immunitaire n'est pas totalement restaurée. Elle est bien restaurée, mais pas totalement. D'où le développement justement d'un certain nombre d'autres maladies comme les cancers, comme les troubles du métabolisme, les maladies du vieillissement que l'on voit chez une petite proportion de patients sur le long terme. Il y a un point sur lequel vous souhaitiez alerter également, Françoise Barré-Sinoussi, c'est l'apparition de résistance au traitement, notamment en Afrique. En Afrique et en Asie, et en Asie, pas seulement en Afrique. Effectivement, depuis, je dirais, ces 5 dernières années, si on regarde, il y a 5 ans, il y avait des études, il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on regardait chez les patients nouvellement dépistés, infectés par le VIH, leur résistance aux antirétroviraux classiques, on s'apercevait qu'il y avait moins de 5% de résistance. Aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, on a 5 ans après 15% de résistance chez des patients qu'on appelle naïfs de tout traitement, c'est-à-dire des patients qui n'ont jamais vu les médicaments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont été infectés par des gens qui sont porteurs de virus résistants au traitement. Et que ça fait peur quand même, parce qu'on se dit il faudrait pas qu'on arrive à une situation qu'on connaît pour la tuberculose, avec une réémergence finalement d'infections VIH résistants au traitement, avec, on a certes aujourd'hui un panel de plusieurs médicaments efficaces, mais ce panel il est pas si large que ça, d'une part, et d'autre part, il y a l'accès déjà au traitement de qu'on appelle troisième ligne chez les personnes qui sont en échec thérapeutique en Afrique, ou pour des raisons financières, ils ont très peu accès à ces médicaments aujourd'hui. Donc ça fait un petit peu peur pour le futur, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument encore mobiliser tout le monde pour éviter ce type de situation qui serait catastrophique, parce qu'on pourrait effectivement perdre tous les bénéfices des efforts qui ont été faits à ce jour. Les objectifs pourtant de l'ONU-SIDA sont assez optimistes, disons, hein, puisque c'est dans 2 ans, en 2020, 90-90-90, c'est-à-dire 90% de personnes dépistées, 90% de personnes de traitées par antirétroviraux et 90% de personnes avec une charge virale indétectable. Dans 2 ans, Françoise Barré-Sinoussi, c'est même un peu utopiste. Cet objectif, je dois dire que à la conférence internationale du SIDA du mois de juillet à Amsterdam, les gens ont fait un petit peu recul. Hein. Peter Piot, par exemple, avait même parlé non plus des 90-90-90, mais des 10-10-10. Les 10 restants, justement, non diagnostiqués, les 10 restants sans avoir accès au traitement et les 10, finalement, qui ne maintiennent pas leur traitement sur le long terme. Ces 10-là sont critiques parce qu'on ne pourra pas éliminer l'épidémie tant qu'il se restera justement ces 10-10-10. Même si on arrive aux 90-90-90, on n'arrivera pas à en finir avec l'épidémie VIH-SIDA. À éradiquer en tous les cas. On peut contrôler, mais on ne peut pas l'éradiquer. D'où la nécessité de continuer la recherche sur le traitement du futur et sur les vaccins. Peut-être un mot tout de même, François Barré-Sinoussi, sur le rôle de la France, hein, qui a toujours été leader dans la recherche internationale, dans la lutte contre le sida, sachant que la prochaine conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida va se tenir en France l'an prochain. Oui, la France a joué un rôle important, pas seulement dans la découverte du VIH, mais aussi, je dirais, dans la prise d'initiative importante. Je mentionnais tout à l'heure l'attaque sur les billets d'avion, la taxe Chirac. Ça a été un moment où personne ne croyait qu'on arriverait finalement à faire l'accès aux antirétroviraux chez les pays à ressources limitées. Donc c'était des moments importants. La France joue un rôle important puisque c'est le deuxième pays contributeur au monde au Fonds mondial avec 300 millions d'euros par an. C'est rien par rapport aux États-Unis, bien sûr, qui met à peu près 4 fois plus par an, mais quand même, nous restons le deuxième contributeur. Et là, on rentre effectivement dans une période à la fois critique par rapport à ce que je viens de dire, parce que il faut continuer absolument les efforts, mais il faut aussi, et ça a été dit à Amsterdam, intégrer, mieux intégrer justement la prise en charge du VIH-SIDA dans la santé globale. Et donc, cette conférence de reconstitution du Fonds mondial à Paris en octobre l'année prochaine est quelque chose d'extrêmement important justement pour le futur. Et il faut absolument qu'on le prépare bien tous ensemble. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise Barrésine, aussi d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Merci à vous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, cet entretien a été enregistré la semaine dernière pour cause d'emploi du temps très chargé, comme on peut l'imaginer, de Françoise Barré-Sinoussi. Si vous voulez aller plus loin dans l'écoute, je vous suggère de retrouver les avoix nues réalisées avec Françoise Barré-Sinoussi par Michel Alberganti, dont on va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter. Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé qu'a été remis le premier prix Nobel 2018. C'est celui de médecine et de physiologie qu'a reçu donc il y a 10 ans Françoise Barré-Sinoussi. Bonjour Natacha Triou. Bonjour Nicolas. Ce prix Nobel de médecine 2018 a été attribué à deux hommes, l'Américain James Allison et le Japonais Tasuko Honjo, pour leurs travaux sur l'immunité anticancéreuse. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient pressentis pour cette récompense. De façon concomitante, dans les années 90, ces deux immunologues ont découvert des récepteurs inhibiteurs sur les lymphocytes. Pour restituer, les lymphocytes, ce sont des globules blancs, et lorsqu'ils rentrent en contact avec la cellule cancéreuse, ils sont inhibés par des molécules exprimées à la surface de cette cellule. Les lymphocytes ne les reconnaissent plus comme dangereuses et les laissent donc proliférer. Alors James Allison et parallèlement Tasuko Honjo font la découverte de CTLA4 et de PD1, des récepteurs qui freinent le système immunitaire, et leur idée a été de bloquer ces inhibiteurs. C'est une approche thérapeutique complètement nouvelle, ils posent les bases de l'immunothérapie. Suite à cette découverte, les anticorps pour soigner les mélanomes, les cancers du poumon, du rein, de la vessie se sont révélés particulièrement efficaces. Laurence Zisvogel et immunologiste, elle nous explique la particularité de leur approche thérapeutique et pourquoi, à l'origine, celle-ci était complètement contre-intuitive. James Allison a compris que le premier récepteur inhibiteur des lymphocytes, qui empêchait donc les lymphocytes de tuer les cellules tumorales, était un récepteur appelé CTLA4. Et donc, il a généré un anticorps qui bloquait ce récepteur inhibiteur, qui bloquait le frein du lymphocyte. Et du coup, le lymphocyte récupère ses capacités de tuer les cellules tumorales et de sécréter des petits facteurs qui font fondre la tumeur. En 2011, premier anticorps anti-CTLA4 qui traite les mélanomes métastatiques. En 2014, second récepteur inhibiteur, le PD1, découvert par Honjo, qui traite les cancers du poumon, du rein, de la vessie. Honjo a découvert le second récepteur inhibiteur des lymphocytes qui s'appelle le programme DEF1, PD1, qui était en fait un récepteur qui était impliqué dans la tolérance des lymphocytes, c'est-à-dire des lymphocytes au repos, qui utilisaient ce récepteur pour rester bien tolérant vis-à-vis des antigènes du soi. Et en bloquant ce récepteur de repos, eh bien, il a réussi à faire redynamiser les lymphocytes contre le cancer. En effet, on traitait les cancers avec essentiellement des chimiothérapies, de la radiothérapie et des hormonothérapies qui visaient à diminuer la masse tumorale dans sa totalité, mais on ne s'intéressait pas aux défenses immunitaires du corps qui pouvaient, elles, par une action parallèle ou concomitante, faire un travail au moins aussi efficace. Et du coup, ces prix Nobel récompensent finalement ce pas en avant et de côté, comme vous dites, qui consiste à prendre une stratégie totalement complémentaire pour éliminer les cellules cancéreuses. Voilà, Laurence Zisvogel à propos de ce prix Nobel de médecine 2018. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Tobin Destock, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Nomi Naguette Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.